cinéma. Salut Tonaï, j'espère que t'as beaucoup de choses à dire. Oula, bah j'en ai quelques-unes à dire. Parce que moi j'ai pas grand-chose à dire. Ah merde, mais t'aimes pas du tout ? Alors c'est pas du tout ça. J'ai eu peur. Non, c'est pas du tout ça. Je voulais dire un truc, mais je sais plus du tout ce que c'est. Ça va ? Bah écoute, ça va pas mal et toi ? Ça va ? T'as passé un bon week-end ? Ça va. C'est vrai qu'on prend pas le temps d'en parler. Ça a été tranquille en fait, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, plutôt chill quoi. Ouais, j'ai essayé de remettre mon chat en état. Hein, parce que, ah ouais, c'est vrai ? Ouais, mais ça n'a pas bien marché. Mais bon, est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit générique ? Bah écoute, allons-y. Je t'en prie. Ok ! T'étais un peu triste. Ah merde, mais t'as pas suivi le texte. C'est toi, t'as pas... Ah oui, oui, j'avais zappé ce moment. Mais ça, c'est assez à cause de mon humeur, on est du matin. Bah oui, c'est pour ça, mais t'es un peu triste en fait. Ah, mais oui, d'accord. Non, j'ai encore senti... Eh ben écoute, merci pour ce générique. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler d'un groupe. Oui, c'est parce qu'en fait, je vais mettre le générique avant. C'est pas entre deux. Okay. Et quand je cherche le groupe à discuter avec toi, je cherche toujours un peu une raison, un lien particulier pour en discuter avec toi, que ce soit musicalement ou histoire de te faire des découvertes. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt la perruque. Là, je m'étais vraiment dit que... Qu'est-ce que tu t'étais dit, Jack ? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu t'étais dit ? Oui, alors, en fait, ce que je t'ai dit que musicalement, en fait, il n'y avait pas forcément. Il n'y avait pas forcément de. de doute ? Ouais. Ou plus. Enfin, pas d'intérêt particulier à en parler. Je me suis dit qu'il y a. Ça, c'était pas prévu. Il y a peut-être quelque chose. En fait, je voulais vraiment avoir ton retour parce que, en fait, ce groupe, pour certaines personnes, ça peut être limite. Tu sais, ce genre de groupe. Ah ouais ? Ouais, tu sais, là, c'est une limite où tu veux pas aller, quoi. Franchement. Ouais. Et toi, je me suis dit, pas du tout. Donc, je pense que c'est plus dans cet esprit-là. J'aurais dû faire. C'est plus dans cet esprit-là qu'il fallait qu'on parle du groupe. Du coup, tu peux me dire de quel groupe on va parler ? Alors, je pense qu'on va parler de Trollfest. C'est tout à fait ça. On va parler de Trollfest. Ça va être compliqué. Et quand je disais que j'avais pas beaucoup de choses à dire, c'est parce qu'en fait, on a été un peu pris de court par le temps. Ouais. Donc on a bossé comme on a pu parce que pour essayer de sortir cette petite capsule. Et ça surtout, c'est parce qu'en fait, je sais pas, je suis pas sûr et certain qu'il y ait grand chose à dire sur Trollfest, à part qu'on peut dire que c'est donc un groupe norvégien qui est quand même. Il y a un truc qu'on a oublié de dire dans une autre capsule, ça me fait penser ça. Ah ouais, ça j'ai me fait penser. Donc Trollfest qui est donc formé en 2003. Ça me revient ce truc-là. Qui est donc formé en 2003. Et donc Trollfest, donc c'est soit Trollfest avec deux T, de grand T à chaque extrémité. D'accord. Ouais. Ça c'est important de le préciser. Et qui va venir pour la troisième fois au Hellfest. Donc c'est un groupe qui est un petit peu inspiré mine de rien par Finn Troll, un groupe finlandais qui est un peu dans la même thématique, tu sais, le côté troll, un peu décalé, folk. Sauf que Finn Troll, eux, ils sont un peu... C'est plus un style qui varie, comment dire, ils n'utilisent pas... Trollfest, ils n'utilisent pas de synthétiseur. Ah ok, je croyais que c'était l'inverse. Non, contrairement à Finn Troll... Attends, je regarde, non. Non, ils ont plus des instruments, et ouais, c'est ça, je me suis... Non, Trollfest, ils n'utilisent pas de synthétiseur, contrairement à Finn Troll. Ah, c'est là où tu te plantes. Oui. Parce que moi, j'ai regardé un concert de Trollfest et ouais. tu le vois avec son synthé. Le mec qui a l'accordéon, bah, il a son synthé devant lui. Et ben, ils ont changé du coup alors. Ah, bah, c'était l'année dernière, mais ils ont changé. Non, non, mais ils ont changé. Bah, et ben, mes infos sont pas à jour. Ah merde. Et ben, du coup, et ben, bah, on inverse alors. Ok, on inverse. Allez, du coup, mais, donc, bah, ils utilisent normalement plutôt. Mais t'as vu des instruments folkloriques ou pas du coup sur scène? Sur Trollfest? Ouais. Non. Ah, donc c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse en fait. C'est Finn Troll qui doit avoir des. Ah oui, je pense plutôt. Voilà, ouais. Donc en fait, j'avais pas mal lu, mais c'était mal rédigé. Ouais, ça doit être. Ok, pas de problème. Eh ben, tu vois, c'est bien de pouvoir revenir c'était faire pas écrit, des. Ça, ce que non, okay, c'était pour faire des corrections. Donc, il y a de la guitare acoustique, des accordéons, de la trompette, de la mandoline, du banjo et même du saxophone. Donc c'est un. Tout ça. Alors du coup, c'est un peu plus riche, bah moins. Du groupe, vu qu'ils sont plus classiques. Sachant qu'ils sont normalement 7, mais maintenant 8, et que je n'ai trouvé aucune info nulle part qu'en parler, en fait. Il y a pas mal de trucs qui disaient qu'ils étaient 7, et que d'ailleurs, justement, ils précisaient que quand ils avaient une décision à prendre, c'était compliqué parce qu'ils étaient 7, et que c'est toujours chiant d'avoir 7 personnalités différentes. Mais sur toutes les publications ou photos récentes, ils sont 8. Et même sur le site internet du groupe, quand tu regardes la présentation du groupe, il y a 8 personnes qui sont présentées. Ah, d'accord, ok. Alors, ils sont même présentés comme suite, un bassiste, parce que bien sûr, enfin, non, c'est pas comme ça qu'ils sont présentés, c'est pas ça, parce que eux, ce qu'ils font comme blague, c'est genre la troll band qui fait du bouzouki, la fan controlette qui fait de la corde. Après, enfin, t'en as d'autres, donc je vais pas dire tous les noms parce que c'est une galère, mais t'as de la guitare, de la basse, les vocales, de la batterie, du saxophone ou encore de la guitare. Donc, comme je disais à la base, le groupe, c'est deux potes. Juste Rothstein et John, ouais. qui se connaissent depuis longtemps. Ils sont un peu perdus de vue et puis ils se sont retrouvés quelques années plus tard à Oslo, pendant que John, lui, il était en train de faire ses études. Du coup, ensemble, ils ont décidé de former un groupe et ils ont pris des camarades de classe de John. Et ensemble, ils se sont dit, allez, venez les gars, on prend des noms à la con comme Psychotroll, Trollband, et on fait un groupe pour rigoler, quoi. Vraiment, à la base, c'est un groupe qui est à la base que pour les fans et que pour la blague. Ouais, bah c'est ça qu'il faut retenir. Oui, d'ailleurs, ça doit pas être pour les fans, mais pour le fun. Plus que pour la blague. Ah oui, je peut-être. Pense que, c'est exactement ça qu'il faut retenir. Mais après, au fur et à mesure, ils sont devenus de plus en plus sérieux parce qu'ils se retrouvent à être obligés de faire le truc sérieusement parce que ça a plutôt... Parce que oui, ça demande quand même du travail, mine de rien. Exactement. Tu vois, quand ils sortent leur premier album, Will Come and Folk Talk Veritas, qui pourrait se traduire par « Bienvenue au groupe de Picole ». Parce qu'en fait... Parce que la petite particularité du groupe, donc on l'a pas dit, c'est qu'ils chantent leurs paroles, ils appellent ça, c'est du troll de Sprink. C'est donc un mélange de norvégien et d'allemand. Ah ok. Ouais. Et donc forcément, ça veut plus ou moins dire des trucs et rien dire. Ah ok. Tu vois, il y a un mélange. J'ai pas assez de connaissances de savoir si c'est un vrai mélange qui veut dire quelque chose ou s'ils adaptent pour en faire quelque chose à eux, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment trouvé cette information. Okay. Mais c'est un groupe qui est là pour se marrer. Et en fait, si jamais tu le ressens pas comme ça avec l'extrait qu'on a passé, donc Pinacoloda, ouais. et ben quand tu écoutes, tu te rends vite compte qu'il y a un peu un esprit festif du folk machin. Oh, et puis, oui. Dès que tu prends deux secondes pour regarder un live, là c'est fini. Là, tu sais que c'est réglé, c'est du fun. Et là, en ce moment, ils sont dans leur aura... j'allais dire flamingo, et du coup, je sais plus le nom, c'est quoi Flamant rose. Ah ouais, merci, c'est exactement ça. Ils sont complètement dans leur era flamant rose. Donc, ils sont habillés avec des justes corps roses, ils ont des perruques, ils ont une espèce de tête de flamant sur eux. Et il y a de grandes bouées de flamant rose dans le public, et donc, c'est un bordel sans nom. Même la guitare, elle a de la moumoute. C'est un truc assez fou. En fait, moi, du coup, ma question, elle est... Un groupe comme ça, est-ce que tu crois que tu peux l'aimer musicalement, tu vois, parce que est-ce que tu peux dire je vais écouter du Trollfest sans l'esprit festif en mode musical quoi? Oh non, je pense que tu pourrais passer complètement à côté. Ah ouais? Mais en fait, c'est parce que tu vois, moi sur le papier par exemple, ça normalement ça me fait fuir. Ah ouais, carrément. Ça me fait fuir parce que dans le sens où je vais pas aller me mettre une perruque avec une bouée de flamant rose. Tu veux pas mettre un petit tutu? C'est pas vraiment mon délire. Ouais, je comprends. Non, c'est pas mon délire, j'ai pas de perruque, je suis pas, en même temps je suis pas fun comme mec, je suis pas ce genre de fun. Mais en fait, quand j'ai écouté... un peu de Trollfest. Oui, sûrement. C'est, oui. Parce que du coup, j'ai donc pour préparer tout ça, quand j'ai écouté du Trollfest... moi j'étais à la phrase d'au-dessus, quand j'ai écouté La Vie de Feu. C'est pour ça que je rigolais. Ah, d'accord. Okay. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et en plus, je trouve que sur le dernier album, ils ont réussi à pousser quelque chose au niveau de la musique et de la prod qui est un peu plus intéressant. Mm-hmm. Alors malheureusement, Pina Colada vient me faire mentir parce que Pina Colada, c'est sur le dernier album. Mais malgré tout, il y a vraiment autre chose, quoi. Puis en plus, toi, tu m'as parlé justement par rapport à la langue, où tu me disais en off que ouais, ça parle anglais. Et en fait, c'est suite à la pandémie. Voilà. Ils ont pris beaucoup plus de temps pour travailler sur leur album. Et c'est aussi pour ça que sûrement je dois le trouver différent. Et je pense qu'ils ont vraiment mis le temps qu'il fallait pour travailler dessus avec peut-être plus de sérieux, à savoir. Mm-hmm. Et que du coup, ils ont aussi rajouté des paroles en anglais maintenant. Ah, c'est pour ça. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont inclus dans leur... Il n'y avait pas déjà des marches par le passé ? J'ai pas fait attention. Alors, je ne sais pas. Mais moi, j'ai lu qu'ils avaient vraiment... Ils ont rajouté ça en plus, quoi. Peut-être qu'il y avait deux ou trois mamans avant. Mais c'est pas sûr, mais voilà. Mais est-ce que du coup ils ont rajouté l'anglais à leur dialecte ? Je sais pas, mais maintenant en tout cas il y a de l'anglais. Ou pas d'ailleurs, mais bon. Okay. Je l'ai trouvé en tout cas, ce dernier album, j'ai trouvé plus musicalement plus intéressant. Je l'ai trouvé plus recherché, je trouvais qu'il y a un peu plus de trucs, même si on est. Enfin, il y a un peu plus de tout. Il y a un peu plus d'efforts dans les riffs, il y a un peu plus de recherche. Enfin, on est toujours dans le même esprit, mais je trouvais que c'était un peu plus. Ouais, okay. Donc c'est pour ça que je te parlais du côté musical tout à l'heure, parce que c'est que moi, de ce que j'ai pu entendre, si c'est un groupe où je tombe sur une chanson, j'aurais tendance à la passer, tu vois, parce que je vois pourquoi c'est fait, et quand j'écoute de la musique, j'ai pas besoin de ça. Ouais. Mais moi, je suis pas forcément client, et même le dernier album, les morceaux, ils sont quand même pas trop mal foutus, et même si ça commence à être un peu trop la guinguette, moi, je vais pas rester non plus écouté, mais du coup, c'est pour moi un groupe qui était taillé pour toi de A à Z. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que tu as vécu cette expérience, Trollfest ? Eh ben, écoute, je vais pas te mentir, je suis bon client. Ça, c'est sûr que Trollfest, dès le début, j'ai dit « Oh là là, dis donc, ça sent bon la joyeuseté, tout ça !» Non, non. J'ai tout de suite eu le smile, tu vois, dès la première écoute. Après, tu m'avais dit en petit off, tu m'avais dit « Oh là là, mais il y a vachement d'albums, parce qu'il y en a 9, en plus une compilation des 20 ans qui vient fêter ça, et qui est sortie en 2024. » Et je t'ai dit « T'inquiète, t'écoutes 2-3 chansons, tu passes, et la thématique, elle va être vite là. » Ah, par contre, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que les premiers albums, tu les enchaînes, voilà, c'est pas, tu, je dirais pas, jusque, wow, je dis vraiment ça, jusque c'est toujours les mêmes morceaux, mais voilà, on est toujours sur un truc très speed, vraiment bordélique, c'est vraiment eux, c'est rapide, bordélique, c'est vraiment eux, ah, bien sûr. Tout ce que j'ai retenu vraiment des premiers albums et tout. C'est vrai que le dernier, comme tu dis, vraiment, sort un peu du lot, parce qu'il est un peu plus, je le trouve, plus tranquille que les autres. Alors peut-être que les textes en anglais aussi, peut-être ça enlève un petit peu de ce bordel sans nom, un peu nawak, quoi. Peut-être. Que tu pourrais avoir l'habitude d'écouter avec Trollfest, mais peut-être que ça peut rendre aussi un concert où, genre, je sais pas, ils sont pour une heure de show, peut-être, là. Ouais, je pense à peu près, ouais. Que tu pourrais avoir l'habitude d'écouter avec Trollfest. Ah, mais... C'est dur, c'est super dur. mais n'empêche. Attends, t'as pas un mouchard là ? Non, ça va aller. C'est mieux que ça tombe sur ce groupe en même temps. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est pas évident comme exercice. Hein. Quand ils comprendront, ils diront ah oui, c'est vrai. J'en étais où, putain. Mais n'empêche que tu rentres avec le smile, tu ressors avec le smile, et si tu restes un peu d'énergie... Attends, non, mais t'es parti trop loin, mec. Non, c'est bon, c'est ça. Mais non, pour une heure de show, peut-être, ouais, je pense à peu près. Ah oui. Hein ? Ou alors j'ai bougé sans faire exprès. Ouais, je pense à peu près, là t'es un peu plus digeste, quoi. Hein ? Oui, c'est... Ah, oui. Alors, pour une heure de show, hein, je pense à... Attends, je vais faire du montage. Cut. Okay. Un peu plus digeste, quoi. Parce que j'imagine qu'une heure de Trollfest, mais genre à fond de cale, ça doit être une épreuve. Ah, bah oui, si tu vas faire la fête pendant une heure comme ça, tu vas être fatigué, quoi. Bah ouais, mais fatigué, ouais. T'as intérêt de savoir doser ton énergie parce qu'il faut tenir une heure. Et là, ça peut être compliqué, je pense. C'est vrai. Mais n'empêche que tu rentres avec le smile, tu ressors avec le smile, et si tu restes de l'énergie, je pense que tu peux encore sortir, en plus de transpirer, encore avec le smile, et puis non, je m'imagine trop avec le tutu et puis avec un bec de flamme en rose sur la tête. Genre toi, tu vas passer à leur merch. Oui, bonjour. Alors, je vais vous prendre un t-shirt et un déguisement en flamant rose. Eh ouais, non, mais carrément. Non, mais carrément. Non, mais ça m'étonne pas. Hein. Le savais-tu qu'ils avaient tenté de participer à l'Eurovision ? Oui, mais ils l'ont pas fait. Ils ont tenté. Ouais, ils ont tenté. En fait, bah, ils ont tenté de s'inscrire, mais ils n'ont pas été retenus pour le dernier. Enfin, en tant que groupe qui va représenter le pays, quoi. Ah, en quelle année ? En 2022. Ah oui, récemment, 2022. Ils n'ont pas été retenus. Un peu too much, les flamants roses. Ah, ça, c'était à toi, ça. Non, c'était bien. C'était... Ah, bon. Ils ont été. En fait, ils étaient super heureux parce qu'apparemment, du coup, ça rigole pas du tout. C'est super sérieux l'Eurovision. Mais je suis pas sûr que ça soit ça qui est joué. En fait, c'est ce qui rigole pas du tout. C'est que. Donc, je suis pas sûr à 100% de ce que je vais vous dire. Ah. Mais de ce que j'ai pu voir, en fait, il y a plein de demi-finales, quarts de finale. En fait, t'as vraiment tout un truc pour arriver à être sélectionné. C'est pas genre une sélection. C'est pas genre 4 personnes qui disent on va prendre ces 4 groupes-là. Non. C'est vraiment un truc où ils s'affrontent. Et eux, ils étaient très, très bien. Passé, ils ont perdu, je crois, sur la finale ou un truc comme ça. Ok, quoi. Ok. Donc, ils étaient vraiment dans les derniers restants, ou alors je me suis trompé. Et ils ont participé, mais pour moi, ils voulaient. Enfin, ils étaient à ça, quoi. Ah ouais. Et puis, il y avait aussi Electric Callboy qui avait participé et l'ordi qui avait gagné, quoi. Oui, oui, il y a quelques années, ouais, ça fait un petit moment déjà. Mais ouais, non, attends. J'ai quand même noté 2-3 petits trucs. Une voix de troll qui donne un petit effet blackisant. Alors, au début, mais ça se perd avec le temps. Ouais, ouais, bah oui, c'est parce que c'est moins festif. Ouais, ouais, ouais. Mais quoique, hein, tu sais pas, il y en a, y en a qui ont quand même de l'énergie, un peu de la suite dans les idées, pour être en train de faire quand même un petit peu fun. Tu rajoutes à ça un ch'ti banjo, une ch'ti de guimbarde, ça donne un style particulier. Parfait pour une farandole en délire. Une énergie folle pour une invitation de force à une danse psychotique à la limite de l'épileptique. Une folie joyeuse qui donne envie de taper du pied et de se transformer en flamant rose, sorti tout droit d'un Tex Avery à fond de train. Je suis client, c'est barge, loufoque, à souhait. Si tu as besoin de faire péter les soupapes, laisse-toi aller. Et là, on est dans l'immanquable. Ah ouais, carrément ? Bah, c'est clair. Oh non, putain ! Ah non, mais pour moi, c'est clair. Je vois ça, j'y fonce en courant. Moi, je suis client, c'est fun, c'est délire, c'est pas prise de tête. Par contre, faut être prêt. Hein. Ah putain, mais moi j'étais là en mode, je pense que le délire il va te plaire à Tonaï, mais toi t'es carrément en avant-cave. Ah ouais, non mais attends, mais non, mais c'est mort, il y a trop le fest, tu vois, je... Tu connaissais pas le groupe avant? Non, je connaissais pas le groupe, non, mais il y a plein de trucs comme ça que j'aime bien, mais là non, mais je suis obligé, c'est mort. C'est, franchement, je me reconnaîtrais pas comme ça que... Je dis vraiment des trucs chelous des fois. Ah, j'ai nourri les copains, c'est mort, oh non. Ouais, l'IA, qu'est-ce qu'elle peut être con des fois. Si je m'arrête pas à ça, vas-y, je m'arrête à quoi? C'est bon, j'arrête à quoi? J'arrête tout d'ailleurs. Non, mais je pensais que t'avais méga kiffé en fait. C'est pour toi, c'est pour ça, franchement. Dans ah la non, sexe... mais moi. Ah, pardon. Ah, je sais pas. Non, mais moi, quand j'ai vu et que j'ai découvert, bah, j'ai dit, il a mis ça pour moi, quoi. Bah, c'est exactement ça. Enfin, voilà, moi, je l'ai mis pour toi. Je l'ai mis, mais parce que sur le papier, moi, je me disais, non, c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément à dire. Mais finalement, je trouvais ça super fun. Et en plus d'avoir vu le live, c'est ce que je t'avais dit, quoi. Que t'as, comme ça, attends, j'ai envie d'être le seul flamand. Alors, ça doit être toi. Ah ouais ? Ouais, ouais, parce que. Je crois que c'est toi en fait qui dois dire t'as envie d'être le seul flamant rose au milieu des gens. C'était ça. Ah oui. Ouais. Mais j'ai pas. Ai-je vraiment envie d'être le seul flamant rose au milieu de tout le monde? Ah par contre c'est chaud hein, parce que moi à la base j'y allais pas, mais tu me l'as vendu vraiment là, tu m'as donné envie d'y aller quoi. Ouais, là c'est à toi là. Ah oui, c'est vrai, c'est la partie où waouh, c'est chaud. Attends. Je te mets ton dit au lieu de tenaille. Ouais, c'est chaud. J'imagine pas les gens, ils arrivent, ils font oh, pas mal la base qu'on t'a acheté quoi. Là, ça va être chaud là quand même. Attends que j'essaie de me rappeler quand même. Ah, non, ça marche. En fait, si tu peux un peu regarder, si tu continues, tu peux raccrocher les wagons. Ouais. Aïe aïe aïe aïe. Bah c'est le seul endroit où je serais vraiment au top. Voilà. Bah, c'est au milieu du pit avec ouais. Les autres flamands roses. Parce que sinon... Oh là. Là, c'est compliqué. Quand même. Alors là, attends que j'essaie de me rappeler. Attends, je te le souffle, sinon. Allez. Allez. Oh là là. Oh là là. Comme quoi... Vas-y, c'est pas grave. Saute des mots. Bon, allez. Attends, je fais que de sauter, là. Je saute sur place, carrément. Attends, on en était où là? Alors, sinon, c'est pas grave. Lis-le tel que. Lis-le tel que. Ouais, je m'excuse. C'est écrit Thomas Fest. Ouais, mais tu vois, en même temps, toi, quand je vois Alice, on me dit, tiens, on pourrait parler de ça. Attends, je reprends mes notes de... Parce que là... Non, je crois pas que c'était tes notes. Hein. Non, là, on était en freestyle. Ouais, je pense, ouais. On était sobre. alors, en tout cas, musicalement, après, voilà, c'est vrai que ça va, c'est super spirituel. Donc, c'est clair, quoi. Bah, écoute, tu fais un peu chier parce que moi, j'allais pas y aller. Ah non, c'est moi. Je me rappelle. Bah, écoute, tu fais un peu chier parce que moi, j'allais pas y aller. Peut-être que nous sommes partis. Ah, bah, écoute, on verra avec eux, mais tu m'as donné envie d'aller. Par contre, ça peut être marrant quand même. Ah bah t'as réussi à taper des trucs super fun d'avant, hein? Non. Attends, on était... Ah oui, ouais. T'as réussi à taper des trucs super fun devant... Attends, on était devant Stinky. Ouais, non, bien sûr, c'est là-bas, mais c'est... Enfin, c'est... sans dépérer que les toutis, on est une femme, ça reste, mec. On va savoir si c'est... Oh, ça se fait que tu peux le dire, hop, c'est tout ça que tu avais. C'est un petit agréable, c'est déjà pas beaucoup, c'est déjà pas, c'est déjà trop. Genre, du coup, écoute Tenaille, merci beaucoup. Je suis très content que ça t'ait plu à ce point-là. Ça me fait vraiment plaisir. Bah, merci à toi. Et puis bah, je te dis à la prochaine capsule. Bah, carrément, à bientôt. Bon bah, salut Tenaille. Bah, tchou. Normalement, c'est là que tu coupes et tout. C'est là que je coupe normalement, ouais. Mais est-ce que c'est le moment où... Non, faut expliquer aux gens. Les pauvres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que. Alors. Je peux te dire ce que je te disais tout à l'heure. Vas-y. Alors, tu vois, je voulais te dire, tu sais comment ça s'appelle ces petits moments là, tu sais, de déjà vu là, qui durent des fois un brief instant des fois. Eh ben déjà vu. Ouais. Eh ben là, ça m'a pas vraiment fait le même. Non, ça t'a pas fait. Presque déjà vu, mais ouais. En fait, c'est comme si ce que j'avais déjà vu, tout avait changé. Ouais. En fait. Alors explication. Hier, Tenaille a eu la gentillesse de venir enregistrer des capsules à la maison, et comme on était un peu pris de court. On en a enregistré juste deux. Celle de Stone Jesus que vous avez pu entendre hier et celle de Trollfest qui était pour aujourd'hui. En fait, normalement, c'était Trollfest même qui était prêt à la base pour hier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug. Regarde, attendez, il y a eu un... Tu vas faire écouter aux gens. J'essaie de vous faire écouter l'état du bug. Là, je m'étais vraiment dit, parce que musicalement, j'avais pas forcément... Voilà, donc je suis sûr que les gens vont dire ouais, bah, j'aurais peut-être préféré la version buggée. Donc c'était assez inaudible et donc après j'ai pas pu m'en occuper parce que je suis parti au boulot et hier soir en rentrant j'ai passé une petite partie de ma soirée à essayer de récupérer le son d'une manière ou d'une autre. J'ai tripoté les trucs dans tous les sens, j'ai placé le fichier audio dans une IA pour qu'il essaye de rattraper, j'ai même fait un long dialogue avec ChatGPT pour m'expliquer pour comment le faire et il m'a aidé pas à pas pour essayer, mais en fait le problème c'est que ça c'est un truc quand tu peux récupérer un son qui est pas fort ou un son qui est mal enregistré. Mais là, en fait, ce qu'on a dû avoir, c'est une espèce de bug informatique, en espérant du coup que là, ça ait bien enregistré. Moi, j'ai à peu près, je pense que j'ai vraiment, il y a eu un bug parce que mon ordinateur qui était branché à la console d'enregistrement était à fond de RAM, il n'avait plus de RAM, et je crois qu'il y a eu un problème comme ça qui a dû faire un bug, qui a créé un petit décalage. Donc j'espère que c'était bien que ça, et pas mon matériel qui est en train de défaillir. Et donc du coup, à un moment donné, j'ai eu l'idée de, l'IA m'a proposé de, l'IA, elle peut te permettre de transcrire ton épisode en texte. Je me suis dit, ça serait trop marrant qu'on ait chacun le texte et qu'on relise l'épisode comme il était. Et comme vous voyez, l'IA, elle a fait pas mal de merde. Des trucs un peu inaudibles, il manquait même certains morceaux. Donc en fait, heureusement que ça tombe sur un groupe comme Trollfest qui est un peu déconnant et que du coup, c'est moins gênant. On a redit à peu près l'essentiel. Ce qui est vraiment dommage, c'est que vous avez loupé ma vraie réaction quand il a dit un manquable parce que j'étais vraiment... C'est vrai que t'étais surpris. J'étais fou et puis toi, t'as enchaîné derrière vraiment en mode « Non, mais j'adore. » Enfin, c'était vraiment un truc comme ça. On se voyait pour faire les cons, c'est, tous ensemble. Vous allez juste avoir un peu perdu ce manque d'énergie. Mais techniquement, en termes d'infos, tout a été plus ou moins redit. J'espère pas tant parce que sinon, c'est quoi? C'est l'IA qui t'a retranscrit tout? Ouais. Et elle a pas le droit de donner son avis. Parce que j'espère qu'elle a pas mis oui, par contre, là, il dit beaucoup de bêtises quand même. Non, c'est pas très sans cohérence. Mais non, en fait, quand j'ai réécouté, en fait, c'est même les phrases un peu bizarres, c'est ce qui sort de nos échanges en fait. Ouais. Donc c'est un peu ça en fait. Même les oui, ah le non, oui, on en fait plein. Et en fait, quand tu le lis, c'est impossible. Mais, donc voilà, donc au final, en plus, Tona, il a eu la très bonne idée, il dit viens, on le dit qu'à la fin. Alors que moi, j'allais le dire au début comme un débile, mais en fait, c'était plus drôle. Et vraiment, moi, par exemple, là, je suis en pleurs. Je suis vraiment en pleurs. Cette capsule, du coup, dure beaucoup trop longtemps. Alors, par contre, j'espère que ça va bien marcher, parce que si tu demandes à ChatGPT de retranscrire et que nous, on doit relire, à un moment donné, ça ne voudra plus rien dire. Si ça fait deux fois que ça merde, là, j'ai commencé à être très inquiet. merci pour déjà, merci de t'être rendu disponible ce matin pour revenir en urgence. Avec plaisir, c'était un exercice compliqué, mais intéressant. Mais rigolo. Et encore une fois, ça tombe trop bien sur ce groupe. Ouais, Donc, par contre, c'est le coup de chance qu'on a, on va dire. C'est comme quoi, il faut arriver à rebondir. Ouais, c'est ça. Parce que moi, en fait, ce qui m'avait vraiment le plus dégoûté dans l'histoire, c'est de perdre cet échange qu'on a eu trop naturel. Si on l'avait refait en mode normal, on n'aurait jamais pu le revoir. Donc, il fallait créer un décalage. Enfin, voilà. Bon, bah, Tonaille, on se laisse là. Bah, ouais, carrément. Bon, bah, merci beaucoup. Merci, j'espère que ça va marcher. J'espère aussi. Voilà. À la prochaine. Allez, bisous.